Merci d'avoir choisi la radio Isanganiro. C'est le moment de suivre la grande édition de la mi-journée, mais tout d'abord, les grandes articulations. Le parti Frode Bunyakuri compte participer au vote du référendum prévu en mai. Et du côté de la coalition d'Amizero Yabarundi, ils vont y aller également. Mais ils indiquent que des préalables doivent être remplis comme un traitement pour tous les hommes politiques, afin d'assurer la tranquillité d'esprit. Le ministère de l'Éducation a sorti une ordonnance régissant l'organisation des programmes de master dans les universités se trouvant sur le sol burundais. La priorité est de trouver des solutions aux problèmes du moment. Vous aurez les détails dans ce journal. Les singes et les lapins sauvages d'Ngozi ravagent les champs de certaines communes de cette province, ce qui cause une désolation pour les agriculteurs qui disent avoir encaissé beaucoup de pertes. Et la chronique santé de ce mardi porte sur la deuxième partie de la malnutrition. Le docteur Raoul Nsengiyumba dit qu'il peut y avoir des conséquences à l'endroit des enfants qui souffrent de cette malnutrition. La mise en onde est assurée par François Kimana. À la présentation de ce journal, Alida Ndaikeza. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Bienvenue encore et commençons par la politique. Le décret présidentiel portant convocation des citoyens burundais à participer au vote référendaire prévu le 17 mai 2018 s'inscrit dans le cadre du code électoral. Le constat est du président du parti Frode Bunyakuri. Kefani Widzi précise que sa formation politique a accueilli d'une façon normale le dit décret et confirme la participation de son parti dans la campagne irrelative. Suivez Kefani Widzi, président du parti Frode Bunyakuri, au téléphone avec Placide Niyomungere. Au niveau de notre formation politique, nous savons que le processus d'amendement de la Constitution est en cours. Donc, la convocation des électeurs est l'une des activités qui devrait être faite pour que ce processus soit achevé. Donc, nous avons accueilli ça de façon normale et nous portons à la connaissance du public que nous allons participer à la campagne du référendum. Et par conséquent, nous nous ferons inscrire à la CENI pour que nous puissions participer activement dans ce référendum et au vote pour amendement de cette constitution. Oui, certains disent qu'on s'était habitué à avoir de tels décrets à quelques semaines de la campagne référendaire. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne pouvait pas dire que ce décret tombe prématurément? Le code électoral prévoit que la convocation devrait se faire au plus tôt, 2 mois avant et au plus tard, je crois, un mois et demi. Alors, je pense que c'est un décret qui est venu et qui s'inscrit d'ailleurs dans la logique du code électoral, donc il n'y a aucun inconvénient. C'était Kefani Widzi, président du parti Frode Bunyakuri, en téléphone avec Placide Niyomungere. Et la coalition des indépendants, Amizero Yabarundi, confirme sa participation au vote référendaire du mois de mai. Selon le président du groupe parlementaire de cette coalition, l'essentiel est la bonne gestion de la période d'avant le vote, car, dit-il, le climat politique qui règne dans le pays, tel que l'arrestation des militants de cette coalition, ne rassure pas cette formation. Suivez Pierre-Célestin Ndikumana au micro de Placide Niyomungere. Nous l'avons accueilli comme tout autre Burundais parce que il y a le moment, bien sûr, de convoquer la population pour le référendum. C'est de son droit de le faire et il l'a fait parce que nous allons participer. Ce qui est important, c'est bien sûr la gestion de cette période d'avant le référendum. Parce que, apparemment, il y en a qui sont malmenés parce qu'ils sont soupçonnés porter campagne contre le projet de constitution, ce qui est faux. Nos gens, nos membres sont bien évidemment incarcérés. Alors, dans ce climat de méfiance, dans ce climat de chasse à l'homme, et je crois que c'est pas vraiment rassurant. Ce qui importe, ce qui serait bon, c'est que quand même tous les Burundais se sentent libres, se sentent dans les mêmes droits. Il y a des fois que vous déplorez des arrestations qui sont faites de part et d'autre à travers tout le pays et automatiquement vous dites qu'il s'agissait de vos militants. Qu'est-ce qui montre réellement qu'ils sont membres d'Amizero Yabarundi? De toute façon, nous ne pouvons pas ne pas connaître bien sûr nos membres. Nous connaissons bel et bien nos membres. Si nous fustigeons ce comportement de chasse à l'homme, de malmener nos membres, c'est que nous connaissons que ce sont nos membres. Au niveau d'Amizero Yabarundi, vous dites que vous allez participer pour que vous soyez rassurés. Qu'est-ce qui devrait être fait pour que votre participation soit effective? D'abord, je dois rassurer que nous allons participer, comme nous avons participé aussi au niveau de l'enrôlement des électeurs. Mais, bien évidemment, la participation au référendum, il y a des préalables. Il faut quand même une certaine tranquillité d'esprit. C'est ce que nous demandons. Et nous voulons bien sûr que les gens soient traités de la même façon, que les gens aient les mêmes droits, afin que bien sûr cette période arrive au moment où tout le monde serait en paix, serait tranquille. Le journal continue sur la radio Isanganiro et sécurité. Encore sans vie dans certains. Patrice Wutoyi de la colline Mouchikanwa en commune Moutaro de la province de Gitega a été retrouvé sous un pont d'une rivière se trouvant à Gikomero en commune Rango de la province Kayanza. Le chef de zone Gikomero dit que les motifs de ce meurtre ne sont pas encore connus, mais indique qu'une fille qui partageait la bière avec Patrice et des gendarmes est déjà dans les mains de la police. Pour question d'enquête, 600 millions de dollars américains, c'est le montant accordé au Burundi pour financer 8 projets dont 5 régionaux. Cela a été dit au cours d'un atelier relatif à la revue de la performance du portefeuille de la Banque mondiale de ce mardi. Le deuxième vice-président de la République dit espérer que cette banque continuera à donner son appui au Burundi. Le français est la cinquième langue la plus parlée au monde. C'est l'ambassadeur de France au Burundi qui l'a précisé ce mardi à l'Université du Burundi lors de la célébration de la Journée internationale de la francophonie. Laurent Delahosse indique que malgré qu'en 2016, le Conseil permanent de la francophonie avait décidé de suspendre temporairement la coopération francophone avec le Burundi à la fin de l'année 2017, ce conseil a décidé d'offrir encore les services de l'organisation afin de redynamiser les relations avec le Burundi. Le ministre des Relations extérieures, Alain-Aimé Nyamitwe, quant à lui, indique que le Burundi est classé premier dans la francophonie pour la qualité de l'enseignement dispensé dans les écoles. Éducation également. L'organisation des programmes de master sera guidée par le souci de répondre aux besoins prioritaires du pays. Certains programmes seront suivis à l'Université du Burundi, d'autres à certaines universités privées selon les programmes organisés. Cela est contenu dans une ordonnance du ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique du 12 mars cette année portant ouverture des masters. Alain Désiré Wikeneza nous enfin le compte rendu. À l'Université du Burundi, le master en médecine concerne notamment la chirurgie générale, la gynécologie et obstétrique, anesthésie et réanimation ainsi que la pédiatrie. Il est par la suite organisé le master en développement rural et agro-business, le master en sciences chimiques, de la terre et l'environnement, le master en mathématiques, en sciences sociales et anthropologiques. Le master en didactique des sciences et langues sera conjointement organisé par l'Université du Burundi et l'École normale et supérieure en ce qui concerne la chimie, mathématiques, la biologie, la physique et le français. Au niveau des universités privées, les portes seront ouvertes principalement pour le master en économie. Ainsi, Bujumbura International University organisera le master en finance et intégration régionale. La douane, la fiscalité et l'expertise comptable seront suivies à l'Institut supérieur de gestion des entreprises. L'université de Ngozi organisera quant à elle ce qui concerne le développement rural. La nouvelle ordonnance du ministre de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique précise que l'ouverture de ces programmes est guidée par le souci de répondre aux besoins prioritaires du pays. Et dans un premier temps, l'accent particulier sera mis sur les domaines porteurs d'emploi sur le marché du travail. Les institutions d'enseignement supérieur organisant les disciplines autres que celles précisées sont désormais priées d'accompagner les étudiants jusqu'à la fin de leur formation, quitte à se conformer impérativement à l'ordonnance du 12 mars de cette année. La ministre Janvier Nilahisha ordonne que l'évaluation des masters déjà ouverts doit être un préalable pour l'ouverture de nouveaux programmes. Captez Isanganiro, écoutez la différence. 13h07 à Bujumbura, le journal continue. Ceux qui construisent les maisons devraient prendre les précautions nécessaires. notamment solliciter l'expertise du Laboratoire national de bâtiments et des travaux publics. Cela est dit par l'honorable Pamphile Malaika, ingénieur en construction également. Il appelle aussi ceux qui construisent les étages à plusieurs niveaux de confier les travaux aux maisons spécialisées plutôt qu'aux individus, puisque ces derniers n'ont généralement pas des matériaux suffisants. Il le dit après que 4 maisons en étage en cours de construction se sont écroulées depuis l'an 2000, mais il dit qu'en général, les Burundais sont de bons constructeurs. Suivez-le. Indépendamment des problèmes qu'on observe de temps en temps, comme des écroulements des immeubles, les Burundais sont de véritables constructeurs. Depuis 2000 jusqu'à aujourd'hui, c'est sur 18 ans. Et les cas de problèmes qui se sont observés, je dirais que c'est 4. C'est le cas récent de Kiangé. Il y a un cas sur l'avenue du Large. Il y a Agasekebouye et Agitega. Et les 4 cas ne peuvent pas mettre dans l'ombre les bonnes réalisations. Et seulement, il faut quand même essayer de respecter les normes. Il faut remercier le gouvernement qui a mis en place le laboratoire national des bâtiments et des travaux publics. C'est un laboratoire qui est bien équipé, mieux outillé pour suivre les qualités du sol sur lequel il faut construire, qui est mieux outillé pour la qualité des matériaux à utiliser, que ce soit le sable, le gravier, etc. Alors il faut que les gens prennent l'habitude de consulter ce laboratoire. Il y a des tests qu'on fait sur les différents matériaux avant, en cours de construction et même après la construction. Et il y en a ceux qui préfèrent les matériaux à bas prix alors que il ne serait pas de bonne qualité. Est-ce que comment pourront-ils faire? Et c'est ça la sensibilisation qu'il faut mener à l'endroit des constructeurs. Les gens aiment se faciliter la tâche. Imaginez-vous quand vous voulez construire une maison et que vous allez dépenser des millions et des centaines de millions et des millions et que vous spéculez sur une différence de 2000 francs sur en fer à béton, 3000 francs sur le ciment. Vraiment, c'est incompréhensible. Et en construction, je considère même que pour des maisons à plusieurs niveaux, en commençant par le troisième niveau, quatrième, cinquième. Je pense qu'il ne faut pas confier cette construction à une personne en tant qu'individu pour la surveillance ou pour la construction. Ça serait mieux de confier ça à une maison, normalement pour deux raisons. Et la première raison, c'est l'assurance. Et aussi, les maisons sont suffisamment équipées. Vous ne pouvez pas trouver un individu qui a un pétonnière, qui a des vibreuses ou aiguilles vibrantes, un individu qui a des théodolites. Grogne des agriculteurs de certaines communes de la province Ngozi suite aux singes et lapins sauvages qui ravagent leurs champs. Selon ces agriculteurs, le problème s'accentue car ces animaux continuent à se reproduire alors que la chasse de ces animaux est interdite pour le moment. Les administrateurs concernés indiquent qu'ils sont incompétents face à ce problème, mais qu'ils l'ont déjà transmis à leur autorité hiérarchique. Apollinaire Muzagara. Selon les habitants des collines Gakicheri et Ousoro de la commune Ngozi, les lapins sauvages ne cessent de se multiplier, d'abord parce que leur chasse est interdite, mais aussi par le fait que les forêts dans lesquelles vivent ces lapins se multiplient suite au croisement des collines de ces dernières. Ces lapins ravagent donc champs de haricots, des petits pois en passe de pousser, déplorent ces agriculteurs. En commune de Marangara, toujours en province Ngozi, des singes habitant la forêt d'Ondurumu font de même. Ils ravagent presque toutes sortes de cultures. L'administrateur de cette commune reconnaît que ces singes constituent actuellement un important cheval malgré cette destruction des champs. Emmanuel Nachosanze rappelle qu'il est strictement interdit de tuer ces bêtes. Il indique néanmoins que la question est déjà dans les mains des autorités du ministère de tutelle. L'administrateur de la commune de Marangara demande à ces dernières de trouver remède à ce problème afin de soulager ces agriculteurs. Donc aujourd'hui, Apone Muzagara, Radio Sangani. Radio Isanganiro Chronique. La chronique santé de ce mardi revient sur la malnutrition qui désigne un état pathologique causé par la déficience ou l'excès de nutriments. Le docteur Raoul Senguiyumva, responsable du programme national intégré de l'alimentation et de nutrition, indique que la malnutrition peut entraîner des conséquences, surtout chez l'enfant, dont l'incapacité physique ou mentale. La prévention devrait être une priorité. La chronique santé d'aujourd'hui, c'est avec Francine Ndeokugayo. La malnutrition telle que définie dernièrement désigne un état nutritionnel dû à une alimentation mal équilibrée ou mal adaptée à un individu ou à une population. Le docteur Raoul Nsengiyumva, directeur du programme national intégré d'alimentation et de nutrition, indique que le Burundi, comme tant d'autres pays, connaît ce problème. Il nous présente la situation actuelle du pays. L'enquête démographique de santé 2016-2017 vient de relever des chiffres. Quand même, on a avancé par rapport à l'EDES 2010. Prenons par exemple la malnutrition chronique, on a quitté de 58% à 56%. Et l'émaciation qui est la malnutrition aiguë, on a quitté de 6% à 5%. Tandis que l'insuffisance pondérale restait la même. Certaines provinces sont touchées plus que d'autres. Je peux dire province de Cankuzo, Muyinga, Kirundo, Kayanza, Chibitoke, où la situation était détériorée. Mais quand même, il y a aussi d'autres provinces où il y a eu une réduction des prévalences, notamment Ngozi, Bujumbura Rural, Makamba, Ruigi, Rutana et Bururi. Actuellement même, nous sommes en train de faire une enquête SMART qui va nous donner plus de précision de ce qui se passe réellement à l'intérieur du pays. Le traitement repose en général sur la prise en charge dans les centres thérapeutiques, tandis que la prévention appelle surtout les communautés à changer de comportement, précise le docteur Raoul Nsengiyumva. Il y a actuellement ce que nous sommes en train de faire pour la prise en charge dans les centres thérapeutiques ambulatoires ou les services de stabilisation thérapeutique. Ça, c'est pour la prise en charge pour la malnutrition aiguë au niveau des centres de santé, des hôpitaux. On peut faire aussi la prévention, notamment au niveau de la communauté. Mais aussi, on est sommes en train de renforcer la communication en faveur de la promotion des pratiques clés familiales, en général sur toutes les actions essentielles, notamment en nutrition. Autre chose, c'est l'allaitement maternel exclusif. Il y a aussi ce qu'on appelle l'alimentation de compléments appropriés, et aussi soins nutritionnels appropriés pour les enfants malades et malnutris. Et la lutte contre les carences en vitamine A, en fer, en iode, qui constituent les principaux problèmes de santé publique. La malnutrition provoque de grandes souffrances physiques et psychologiques, surtout chez l'enfant. On distingue des conséquences à long terme et à court terme. Alors, à court terme, la malnutrition entrave le développement du cerveau et celui de la croissance physique. À long terme, elle entrave le développement cognitif et les performances à l'école pour les enfants, par exemple. En outre, elle entraîne une faiblesse du système immunitaire et de la capacité physique. L'enfant, quand il est en train d'étudier, quand il est en train d'apprendre, ne peuvent pas capter. Le coefficient intellectuel peut se réduire à 30%. La malnutrition étant un problème de santé publique, plusieurs secteurs devraient s'impliquer pour trouver une solution à ce problème. Merci à Francine de Hokugaye, au docteur Raoul Nsengiyumva pour cette chronique. Et c'est par elle que nous terminons ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellent après-midi à tous.